Oui, bonjour à tous. Donc Brigitte Allain, députée de Dordogne et paysanne. Ce que tu viens de dire par rapport à la PAC, effectivement, ce qu'on peut déplorer, moi je dirais en premier, c'est que d'abord la PAC n'y a pas eu de réflexion de fond, la PAC n'est pas régulatrice et surtout elle ne répond à aucune ambition. Et c'est bien ce dont on a parlé là à l'instant. C'est d'abord, on doit fixer des objectifs, se fixer des objectifs, à quoi ça doit répondre pour après faire un projet. Ça n'a pas été le cas au niveau européen. La PAC, ça n'a pas été le cas. Elle n'est pas du tout régulatrice, elle ne répond à rien, si ce n'est effectivement une autre répartition des aides, donc qui est plus juste quand même. Donc ça, on peut prendre acte, mais elle n'a pas d'ambition affichée pour répondre à l'alimentation. C'est bien ça qu'il faut déplorer dans cette PAC, avant tout. Alors aujourd'hui, la PAC, est-ce qu'elle est ? Elle est actée. Donc on parlera de la prochaine, j'espère. Et puis, il y a une application française de la PAC dont on peut aussi considérer qu'elle n'est pas satisfaisante. Il y a là aussi des avancées certaines. Pour certains d'entre nous, on s'est battu depuis 30 ans pour ces avancées-là. Donc, il ne faut pas cracher dedans. Maintenant, on a aussi une loi d'avenir, une loi d'orientation, ou on peut en faire une loi d'orientation, et se saisir des outils. On a parlé des JI2E, donc des groupements intérêts économiques et écologiques ou environnementaux. Je ne sais pas trop ce que dit le deuxième E, mais enfin, toujours est-il qu'ils sont là, ce sera un outil. Il y aura des outils par rapport à la gestion du foncier, la répartition du foncier. Et on sait que la répartition du foncier est quelque chose d'éminemment important aussi dans les choix. Des orientations. Il y aura effectivement, il y a un volet sur la formation, mais moi je vais dire que la loi d'orientation, la loi d'avenir à l'agricole sur laquelle nous allons tous travailler, c'est-à-dire chacun de vous là où vous êtes, nous aussi, et puis j'espère qu'on se rencontrera d'autres fois d'ici là, elle sera d'abord, il y a ce qu'en veut le gouvernement, ce qu'on va pouvoir améliorer dedans. Et puis après, elle sera ce qu'on en fera. C'est-à-dire que ces GI2E, par exemple, on peut s'en servir et s'en emparer pour effectivement que naissent des groupes vraiment de travail dans le sens que l'on veut. Et effectivement, après, le rôle du politique, effectivement, d'influer pour que les choses aillent toujours dans le meilleur sens, dans celui que nous voulons. Et donc, considérant l'agriculture, qu'elle soit d'abord au service de notre alimentation et surtout au service de la souveraineté alimentaire pour tous les peuples. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que... Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que dans cette politique qui nous est présentée, il y a les deux. Il y a le chaud et le froid. Il y a la politique filière dont on a parlé, sur laquelle on peut avoir des doutes. Mais moi, je crois qu'après, c'est aussi qu'est-ce qu'on fera de cet outil. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Yves Daniel, je suis donc député paysan, comme j'ai l'habitude de le dire. Paysan en Loire-Atlantique, paysan producteur de lait et de porc bio. Alors pour quand même comparer avec certaines exploitations en matière d'emploi, c'est 5 actifs pour 140 hectares. Donc j'attache aussi beaucoup d'importance à cette question de l'emploi. Alors bon, pour faire très rapidement... Moi, je repars aussi de ce qui a été dit tout à l'heure concernant la loi d'avenir agricole. Eh bien, la loi d'avenir agricole, elle sera le résultat de notre capacité à travailler dans une méthode qui est quand même mise en avant aujourd'hui, c'est la concertation, l'écoute et notre capacité à réformer un certain nombre de choses. Et moi, je veux simplement dire que si on a la capacité d'intégrer dans cette loi d'avenir agricole la question de la recherche, mais vraiment très, de façon très importante, réorienter la recherche. Moi, quand je vois la part du budget recherche qui est mise pour continuer d'utiliser, allez, je vais faire court, la chimie, alors que il faudrait qu'on oriente beaucoup plus les financements vers la biologie, enfin bon, et tout ce qui a été évoqué en matière de prise en compte de nouveaux systèmes d'exploitation. Deuxièmement, ça dépendra de notre capacité à réformer réellement aussi la formation agricole. C'est là l'enjeu. Ça dépendra également de notre capacité à utiliser, comme ça a été dit tout à l'heure, la capacité des paysans à innover, à être novateurs et à apporter leur pierre à l'édifice. Notre capacité à remettre en cause la fiscalité, parce que la DFI, qui ne sert qu'à une chose, à produire l'inverse de ce qu'on souhaite, alors que on aurait un système de défiscalisation pour emploi ou sur d'autres critères, eh bien, ce serait complètement différent. Notre capacité également à mettre en parallèle, en permanence, et ça, c'est une question que j'ai posée au Premier ministre, moi, ce que j'appelle donc le conseil scientifique, est ce qu'on pourrait appeler le conseil des sages, le conseil du bon sens, c'est-à-dire s'appuyer sur la réalité des choses, la pratique, ce que le pragmatisme peut aussi apporter justement pour contrebalancer. Et ne croyez pas que ça remet en cause, bien au contraire, toutes les compétences des scientifiques, mais si on ne met pas ça en parallèle avec donc, la réalité des choses, je pense que on se trompe. Moi, je reviens sur un point qui concerne l'écuma. Effectivement, c'est aussi notre capacité à prendre le collectif dans nos travaux. Et finalement, ça va loin, parce que quand on pense au CUMA, moi, je pense particulièrement à l'enjeu, ou aux contraintes plutôt, qui nous sont imposées par la loi SRU sur la construction des bâtiments des CUMA, ne peuvent pas se construire dans les zones agricoles. Vous voyez un peu à quel point on ne trouve pas de logique dans les choses. Donc, ça veut dire que pour réussir ça, il nous faut nous intégrer dans notre réflexion d'autres critères dont vous avez parlé aujourd'hui, et je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Et ces autres critères d'emploi, de qualité de vie, donc qui prennent en compte la santé en général, mais aussi la santé des agriculteurs, les questions de l'environnement, de l'énergie, l'intérêt collectif et général, ce qu'on appelle donc le RSE, et puis tout cela. Si on n'implique pas tous les outils que nous avons aujourd'hui en place, c'est-à-dire les chambres d'agriculture, l'INRA, les centres de formation, les CIVAM, les GAB, etc., eh bien, je pense qu'effectivement, on risque d'avoir une loi d'avenir qui ne répond pas aux enjeux que nous voulons demain pour notre société. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Sophie Errante, je suis députée également de Loire-Atlantique, secteur viticole. Je suis petite fille de viticulteur, donc je ne suis pas agricultrice, mais je sais d'où je viens et je sais ce que je dois à la terre. Je vais travailler plus particulièrement, moi, dans le cours de ce mandat. Donc, je fais partie de la commission développement durable et aménagement du territoire. Et je me suis inscrite dans un groupe, et je le co-préside, sur la santé environnementale. Et donc, je vais m'attacher plus particulièrement à travailler sur tout ce qui peut éviter l'utilisation de pesticides, d'intrants chimiques, et qu'on arrive à effectivement produire autrement pour la santé des agriculteurs, mais pour la santé de la population aussi en général. Et puis, j'aimerais poser une question, parce que je pense qu'on en a parlé aussi ce soir. C'est comment peut-on réussir à valoriser les bonnes pratiques environnementales? C'est-à-dire, quand vous faites des efforts, comment est-ce qu'on arrive à les valoriser? Vous avez parlé de méthodes d'évaluation. Je travaille plus particulièrement sur l'affichage environnemental actuellement et j'ai une mission d'information à ce sujet. Il est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir valoriser ce qu'est la biodiversité, ce qu'est le service rendu par une agriculture durable. Comment fait-on aujourd'hui pour valoriser et mesurer? Donc voilà, c'est un appel aussi à tous ceux qui peuvent nous aider à mettre en place cette valorisation. Et puis une petite question sur les services, sur les, pardon, les surfaces agricoles utiles. Je suis aussi, et je cumule jusqu'au mois de mars prochain, je suis maire d'une petite commune et j'ai beaucoup de difficultés à essayer de faire comprendre à des propriétaires agricoles que la priorité, c'est quand même à ceux qui exploitent. Et aujourd'hui, nous avons des friches que nous n'avons pas, que nous n'arrivons pas à faire exploiter parce qu'on n'a aucune obligation. On ne peut pas imposer à un propriétaire aujourd'hui d'exploiter ses terres. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc là aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que vous partagez aussi cette difficulté? Comment fait-on pour que les surfaces agricoles utiles soient réellement exploitées et ne génèrent pas de dégâts sur les parcelles voisines et permettent à ceux qui en ont besoin de pouvoir s'en servir? Merci beaucoup, puis j'espère qu'on aura d'autres rencontres comme celle-là. Une dernière question dans la salle et puis ensuite on fera réagir très rapidement certains intervenants pour certaines questions et puis je donnerai ensuite la parole à Dominique Potier qui est député de Meurthe-et-Moselle pour la conclusion. Voilà. Alors, Raymond Penouette, paysan retraité, président de la FADEAR aujourd'hui. Donc moi je suis très surpris d'entendre que pour faire évoluer les changements, il suffirait d'intégrer un certain nombre de personnes. Il suffit d'avoir regardé il y a quelques semaines, moins d'un mois, les discours et la volonté des présidents de chambre de Bretagne. Je suis breton comme Jean-Claude. Ça m'a fait bondir et ça m'a permis de prendre ma calculette. J'ai pris ma calculette tout simplement. En Bretagne, ils ont donné tous les chiffres, donc c'était très intéressant. J'ai fait le calcul, le revenu moyen sans les aides de la ferme, de chaque ferme en Bretagne, est inférieur à 600 euros. Et ces messieurs disaient, on ne lâchera rien. Sachant que dans ce revenu, le revenu moyen avec les aides était de 22 000 euros, il y a 66% d'aides accordées. Si les représentants des chambres d'agriculture, quels qu'ils soient, ne veulent pas changer, ne veulent pas faire évoluer le débat et la discussion sur d'autres pratiques agricoles dans nos exploitations, comment arriverons-nous si l'État, derrière, ne nous aide pas ?